Yeah, yeah. Maman, série Brigitte. Yeah, yeah, la go. Onana, Amandelo, basta. Yeah, yeah, yeah, la go. Aujourd'hui, là, tout va finir. Yeah, il est là, go. Occupe ton temps et réalise tes rêves. Dis ce que tu penses, crie ce que tu ressens. Aime qui tu veux, ignore ceux qui te nuisent. A Tito, c'est la vie qui est là-haut. Apprends de tes erreurs et améliore-toi autant que tu le peux. Aulio, les jaloux vont parler. Mais préoccupe-toi de ce que tu trouves important. Sonia, Miko, Mina, Kona, Mbesilo. Yeah, il est là, go. Ah, yeah, il est là, go. Agnès, Bobo. Yeah, il est là, go. Yeah, il est là, go. Président MBC, au gouverneur Benzema. Linda de l'INSEE. Le bonheur arrive à celui qui sait attendre. Dieu n'est pas garou. Prends ton temps et travaille dur. Chacun a son chemin pour arriver au sommet. Les jaloux vont parler. C'est joli, El Capo del Tapi. Les jaloux vont parler. Mais ça doit pas te départ. Continue de bosser. Marius Omayou, Saki Eriko, Clarisse Milso, allons bâti soubré. Abou Killer. Ah, yeah, yeah, il est là, go. DJ Petit Mouton. Ah, yeah, yeah, il est là, go. Fino l'ambassadeur. Yeah, il est là, go. Il est, yeah, il est là, go. Il est, yeah, il est. Kevin C. Force, Rasta Family, on est ensemble.